des cornes qui se feraient un chemin. Elles sont rouges à points noirs, toutes rondes comme des couteaux, insectes de l'espoir. Pourvu-t-elle dans leur dos à la bête du bon Dieu, aime danser dans les airs à la bête du bon Dieu, aime flâner dans les herbes à la bête du bon Dieu, aime danser dans les airs à la bête du bon Dieu, aime flâner dans les herbes. Pas farouche pour dessous, elle se laisse approcher, grimper le long du pouce pour pouvoir s'envoler, se poser sur le nez d'un enfant amusé qui fera partager au papa sa gaieté. À la bête du bon Dieu, aime danser dans les airs à la bête du bon Dieu, aime flâner dans les herbes à la bête du bon Dieu, aime danser dans les airs à la bête du bon Dieu, aime flâner dans les herbes. Des bestioles au fond de notre jardin, des petites bêtes du bon Dieu qui se feraient un chemin. On est tous des bestioles au fond de notre jardin, des petites bêtes du bon Dieu qui changeront pour demain. À la bête du bon Dieu, aime danser dans les airs à la bête du bon Dieu, aime flâner dans les herbes à la bête du bon Dieu, aime danser dans les airs à la bête du bon Dieu, aime flâner dans les herbes.